de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. Hint à Brezhoneck. Kentel, Pemkant, Père, Haunterkant. Nekezé, Héri. Oui, voilà. C'est ça, oui. 554. Alors, on commence, Henri, par Guerriou Arvué, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, c'est un verbe qui est très employé, disquez, qui veut dire montrer, prouver, démontrer. C'est un verbe dont les sens sont très riches et qui est très employé. Alors, c'est un verbe qui existe aussi en gallois, donc, et qui existe aussi sous forme d'un nom commun, un disquez, qui est quelque chose que l'on montre. Un disquez. Alors, sur ce mot disquez, on a d'ailleurs bâti le disquezade dont on parlera tout à l'heure. Alors, c'est un verbe dont la prononciation est très variable, d'autant plus qu'il a tendance à se confondre avec deskin, qui veut dire apprendre, ou apprendre au sens de quelqu'un qui apprend ou de quelqu'un qui apprend aux autres, quoi. Et donc, il y a souvent une sorte de confusion entre les deux. Le verbe disquez, donc sa base verbale, c'est disquez, et l'infinitif, c'est disquez aussi. Alors, on trouve parfois disquezin en ajoutant une terminaison, mais la plupart du temps, c'est disquez. Voilà. Et donc, le participe passé, c'est disquezet, quand il est prononcé. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs prononciations, disquez, disquez, disquaid, hein, dans le pays ficelle, par exemple. Hein. Donc, et souvent une confusion avec disquet. Par exemple, dans la chanson Trigemelaire de Spontivi, on dit « Ni wain debed o gwan you, ni wain disquet o labour you ». Ils avaient montré leur travail. « Ni wain disquet o labour you, a waouvroz a gorvragou », qui était une jupe et un pantalon, et qui était bien sûr très mal fait, quoi. Hein. Donc je dis cette sorte de confusion avec deskin, hein, qui est très fréquente. Ici à Pembrite, on dit disque dans les deux cas. Hein. Ah ouais. Donc faut savoir en fonction du contexte si c'est apprendre ou montrer. Oui. Voilà. Alors comme je l'ai dit, on a construit à partir de disquez le mot disquezade, hein, qui est une exposition, hein, qui est très employée dans le breton actuel, puisqu'il y a beaucoup d'expositions. Autrefois, il n'y avait pas beaucoup d'expositions. Mais on a ce nom de disquezade, hein, par exemple, alors dont le pluriel est disquezadegu. Hein. Par exemple, disquezadegu olvedel, hein, exposition universelle. Il y a disquezaden aussi, disquezaden qui est une apparition. Hein. Disquezaden awareness, par exemple. C'est moins fréquent. C'est moins fréquent, oui. Hein, c'est moins couru. Et disquezadur, qui est un mot masculin, hein, comme tous les mots en adur, sauf plijadur. Disquezadur, qui veut dire une démonstration. Alors, il y a des dérivés. Damzisquez, montrer à moitié. Haddisquez, hein, remontrer à nouveau. Mdisquez ou unemdisquez, c'est-à-dire se montrer soi-même, apparaître, hein. Une expression qu'on entend souvent, disquez grandeur bis, hein, montrer du doigt. Hein, quand on montre quelque chose, ça c'est au sens propre ou au sens figuré. Hein. Erguer disquez, un démonstratif. Il y a aussi le sens de sembler, disquezera buscuis, hein, il semble être fatigué. Disquezera bouclant, il semble être malade. Hein. Alors quelques mots encore qui sont dérivés de ça. Donc, disquezer, hein, celui qui montre, un montreur. Hein. On parlait des montreurs d'ours autrefois, un disquezer arzet. Ça se fait rare, les montreurs d'ours, désormais. Disquezer, disquezus, hein, qui est quelque chose qui est montrable, hein, des dérivés de disquez. Hein. Donc, un verbe qui est très employé, mais qui a tendance à se fondre avec des skins, oui. On en reste là, oui. On en reste là pour aujourd'hui. Et on passe au dialogue. Brezhoneck, tam à tam. Brezhoneck, Donc c'est le moment de Brezhoneck Tambatamb. Henri, on va faire un petit tour à Zantoloc aujourd'hui. Oui, voilà. Chanig est allé voir Job Nedelec, hein, qui est le président de l'association Blogneau Zantoloc, l'instituteur en retraite, et qui s'occupe de l'animation de Zantoloc. Et là, il s'agit de la veillée de la Sainte-Cécile, le 22 novembre, tous les ans. Pourquoi Sainte-Cécile ? C'est une sainte patronne un peu plus vénérée à Zantoloc qu'ailleurs ? Non, c'est la patronne des musiciens et des chanteurs. Salut Job, ma de jeu ? Matré, chanig naoui. Matré, mais l'arrêt d'Inta Job, clévet de meuse et vaugrette prestique, or veillardec bas Zantoloc. Pégoul, ça plaire à vaugrette ? Bah, hostellerie fange penquat, vaugrette, vel custum, et quis a custum ? Neio Arnugen de Zemis du, des Guelzantes Sicilias au patron de ce grand aérien, la gueuse en aérien. A piou à Ravardro. Or Gavridi Gues Blenius Anto, le gueur à Wardro, Velkis à Custum. A piou à vous, va voir à l'Euren, Job. Aze vocals de Dieu, des Veljust, Conterien, vers Perdagne, la Fange Penquat, Canérien, Canérien le Bose, Dreistol, Zonérien, Gandendreugen Gaul, Gandebignou à Glevombard, Gan Bouesten Joul, a Gan Delen. A Wallerze, vos bandards Zuben, a Kistin Rost, Duiden Dut, a Gon Tom Feznons, ma treizaine vie déchuie. Dans de Rich Chanik. Ailleurs, vil juge, Job. Allez, on reprend. Ce dialogue, phrase à phrase, entre Chanik et Job pour la veillée de la Sainte-Cécile. Salut, Job, ma de jeu. Oui, bonjour, Job, ça va? Matré, Nahoui. Ça va très bien, et vous? Matré. Mais l'arrêt d'Inta, Job, clévet de meuse et vaugrette prestique, Orveyadec, Bazantolec. Oui, mais dites-moi, Job, j'ai entendu qu'il y aura bientôt une veillée à Zantolec. Pégouls à plaire vaugrette. Où et quand ce sera fait? Banostellerie Fanchepenquat et vaugrette. Dans le bistrot de Fanchepenquat, bien connu. Hein. Donneil Warnugen à Visdu. Le 22 novembre. Diguel Cecilia, patronesse à Zonerienne, à Garganerienne. Le jour de la Sainte-Cécile, qui est la patronne des chanteurs et des sonneurs. À Pio, à Ravardro. Et qui s'en occupe? Argevedriguez, Blenius Antoloc. L'association Blenius Antoloc, hein, qu'on connaît bien, qui se charge de l'animation de la commune. Et Velkis à Custum. Comme d'habitude. À Pio, à voir l'heure, demande Jean-Nic. Et qui sera sur l'air, quoi, hein? Sur scène, oui. L'Euren, c'est à la fois l'air et la scène. C'était pour l'air abattre? C'était l'air abattre, oui, l'Euren. Quels dut vel juste? Beaucoup de monde, bien sûr. Conteurien, vel Père Daniel à Fanchepenquat? Des conteurs comme Pierre Daniel et Fanchepenquat. Conteurien à Beauce? Des chanteurs de chansons de Gwerz, quoi. Hein. Surtout de Gwerz. Hein. Zonerien. Gan Drogen Gaul, un Bignou, un Bombarde. Alors des sonneurs à la clarinette, au Bignou et à la Bombarde. Bouesten Duol, à Délen. À l'accordéon et à la harpe. À Warler et voir Bernard Zuben, à Kistin Rostet, à Gan Tom Fesnoz et Videchui. Et ensuite, il y aura un peu de soupe, hein, et des châtaignes grillées. Et un petit Fesnoz pour terminer. Donnerie, Chanik. Vous viendrez, Chanik? Oh, y'a, vel juste, Job. Bien sûr, Job. Et ben voilà, c'est terminé. Ben voilà. Et c'est le moment de Petra Zoné vers vous sur RKB. Eri, troisième partie de cette émission Hentar Brezhoneg, Petra zo neve avon. Ben, kal zo draou zo neve evelchus bouer vej diouzan. Krogom de diantan velkiz a custum gant ala bourdouar hag vu e war er mez. Bon, eruom bremañ ba mis du, mis tiantan ur gwan evit ur gelt eut gwejel, hag beta bremañ ebet klou ar war an amzor. Tramenet e gwell kalon gwan, gwell kalon gwan velar et gwell en olzen ive, dernel lar a Samhain, dernel lar a Halloween, me ma meus gwell e bop et gwell evit mont ba gwan de vort. Zer a debe de maïs madoar, hein, bien e fin, klou ar war oan amzor, hag e bezer a de maïs madoar, hag gwen iz du ma meus mot, hag un aval aogist. Vin aval aogist, ma meus tron eus ket tiem evel ur blai oel, Plus dur, une bescorne par de neve amzer, hag zuroar vo ketiem de gis blanc mevel blaioel. Voir dier yen zo be nevesso, voir yer nen vegret tos de seiz ugen glasso, ba kierien, a bop ve kal ze dut, blanc me oa neptor dut, plus dur oa ke bra un amzer, glo a gavel zo be hag Moi que bras d'un dû de mon de vel yezeg a mon de redegastal yo ker. Kouegel vi jegret ze voir dierien ber war nugen de ze mis heire, pem ze kte oa l'air voir la rion gos. On ne babla yo zo bremen ve gret de zaden tostan en drie zaden de ze mis heire. Hag kouegel vi jeg oa l'air voir dire yen vijek et tin, mais voir plus di. Ze oa den daou vis du, et les fin. Hag l'ar vijek ba voir plus di, o neubel vi pris o hi. C'est pas cher, ne ke ker. Ne oa ke tir, non, oa ke tir. Puis dur oa voir di ou zan a. Bromen zo voir karez o aler, puis dur ebe radlan se de voir karez, hag blanberoise oa kalz diezek spen, c'hoer ugen diezek bezon, Oer ugen jo, menefin. Oa. Bon, oar dachen un endro, bremañ. Ur ster leger un eus bet ur label, Bretagne, rivière sauvage. Vit tout de pes labour zo begret, evit der un ster net, hag dour net, hag un endro mat vit de ster. Ster leger, ya deus... de ze penleger talzantou arno bet hag begleger. A zo ur sort liam tre un douar ou hag ur mor vel ar fer René Richard. Hag bon, se zo un dravad evit ur sterleger, un kard ur labels mastan ze digas o tut de velet. Veja ou gontandar de ze balafenet, ba vro am vekal ze balafenet, ba nan, Neptor Vigwegel, jiwaz, mais me strach on ma vegwelet, Alice, balafened o farle, a zez o bra, hag balafened zo d'un de, a balafened el zo d'un ons. Hag ar zo imbanned o lever ker o ar balafened de, hag zo atlas des papillons diurnes de Bretagne. Zez o gant un imbanned ur solus, hag zo kalz eus kedenou hag bon Oliver Kerr Hardier. Bon. Ba la fin et zo, mais bon et d'où tout ce que zo y ve, ben, vro amme dra istol, ben diska ramzer, hag blan me roas ou agred en diskoezad, bon et d'où tout ce que ba tre glan vus, vid un eis zet gwej war nugen. Hag ze zo, ka ze jecha kal zet d'un gwejel, jecha kde, ben ba, bon et d'où tout ce que breiz amme, en d'un de blijek ke zede. Hag an ni oan de vous d'empoisonnet. Hag vijek ze le zizo kouz deus ke kalz ur an orio evit de bonnet de tout ce gant. Bon, e brezon de gant. Deus ke d'am am neus ke met un mesko le de be bonnet de tout ce gant. Me le du del le gredenk de di vitrog di se gant. Hendel vichon boa dach en un endro ur gevridig si sindel oa balokarn hag zo hon vraiment de gian gris mouedou. De Zilojo, de Dianton Wabellar, à Duget, bâti Cos Frédéric Bonhomme, à Zéo Bistro, Gogel, Mette Bénéfine, et Bette Prenne, Grande Tudel. Hag hein ba tir barouz, hag zo tal an ilis, eh, non? Vidon, tamm am zo bop, pet pe dur ma trezen vo rak trezel oa l'air. Bet zi vek gwar a vras. Bon, un tamm am de gomz, un tamm de stamm o tro e endel. Tro brovranz war war houarn. Vejo e dram da tro brovranz e breiz, vejo de raket blam e dram da oba. A breiz hag a chom bon tamm, den daoz hag a viz vwen e dram no bavro, ba rostren, hon sa mur, a ba mur vo dram non yo nonz. Hag zezo zera kal zo blija dur de tout de rezo diden et gant var houan, an ma e breiz. Hag pel zo, ve e diden et un dud gant ze, gant un tour de France, ve la, in brezant ve la tour de France, ma meus mot. Tro bro hale, me le... Zezo deux de vous de guerre bénéfine Tour de France. Hag jonge pe wan kanfar du j'ai du de tout d'un du de ce bourg et de Chilo de Banosteliri pe vi j'ai une étape un Tour de France. Il y a une étape il y a. Bon. Une guerre présente à qui? Guerre présente à qui? Il y a. Hendel Bacardi ba échu et n'abord d'un grand de Bacardi Bacalac. Doug Lasso Bicrood, hag arzo tram de kalz ar zourien, hag zezo un tolval vikal hag memes trak, ze oa brud de... hag strola de Melrose ar eo ardro un arvesto ezo tapefal, evel just. Bon, vi komp deus ur glad, chapel Roskelfen, zo begret kalz la bourie ou chanche debet un doen, chapel Roskelfen zo balaniskat, Que j'ai loi au Nilis, Ilis Roskelfen, puis au roi, au barous, stock de Zlaniskan, mais au barous, oua. Hag, on ne va pas aux os, au strola d'ara au ardro, hag, n'get calz de l'arbre. Jean-Pierre Gris, d'ar, ne scrive de l'ever, Jean-Pierre Gris, au seis là, non, seite gla à trugen, hag, der à ober calz de Oliver ne se scrive de Neveso, a zo bet neve im bonnet, hag a zo, nan ne un bagn sans femme, oa anke de, peuske le nan oaz med, oa anke de speter gont, peuske le nan, non, pas oaz. Bon, endel salon ze lever zo, lever yo zo bet bakarez, vi de neiz et kwech oa nugen, hag spen perugen stal oa, a blanc me oa pe de tud eus bro Corsica, Jean-Guy Talamoniz o bet, hag zo war peus klevet war RKB a badeno di war ze, pe dur zo bet war RKB, de, tro gret gant RKB a tro gret gant Radio Arvorik, war el stas salons le lever yo, a zo bekal ze dut. Da skouer a zo bet tro de brezon hag Tintin Babro Amerika gant on denio hag Olivier Biket gavtin a ne stro de Tintin Babro Amerika bremañ kai tout de Tintin ou zo bet tro de brezon hag tro stug un bezan zo tro de brezon hag bon setu un tamm bien de spesso neve Babro pe on komz de ze glad oaz o strolad zo bezavet ba la ruen, o zemoa la ratar deja, a zo labour ad oan tigar. Met de, bon de se, o komz zo ben vegel, kan zo drog zo de la ret, war ze. Bon, merci, Eri. Setu un tamm de spesso neve. Sien o ma o Morgan. Keno, Eri.